Section 19. Chapitre 19. Augustin n'avait pas revu sa mère. Mademoiselle Cariste, compromise dans le scandale, lui avait fermé sa porte en disant « Tu nous as trompés, tu as fait de nous les complices de tes désordres. Je ne veux plus te recevoir. Tu reviendras quand tu seras réconcilié avec le bon Dieu. » Et tout le clan des dévotes, plaignant la sainte, maudissait le fils dénaturé qui se perdait avec une mauvaise femme. Seul le capitaine restait du parti d'Augustin. Seul, il ne jetait pas la pierre à la mauvaise femme. Et plus que le mépris des gens comme il faut, plus que la basse ironie du vulgaire, Augustin redoutait la tristesse apitoyée et suppliante, exquise mansuétude du vieillard. Incapable de maudire et de condamner, tout brûlant de charité évangélique, le père Courdimanche ne comprenait rien au dogme de terreur qui fascinait l'âme d'Augustin. Il avait grand-peine à admettre l'existence de l'enfer et l'éternité des peines. Soucieux de préserver le pécheur du péché suprême, qui est le péché de désespoir, il lui montrait sans cesse le Christ souriant, aux bras ouverts, le maître des miséricordes, qui accueille l'enfant prodigue et l'ouvrier de la dernière heure. Ces exhortations naïves troublaient M. de Chanteprie jusqu'aux larmes. Elles réveillaient en lui le souvenir des joies perdues, le regret des sacrements interdits, et ce sentiment obscur qui contenait tous les autres, la nostalgie de Dieu. Le jeune homme essaya de s'en distraire. Il lut des livres prêtés par Fanny et quelques-uns de ses ouvrages de philosophie et de science que M. Forgerus appelait des monuments de l'orgueil humain. Mais il les aborda sans préparation, sans méthode, et ne comprit pas. Les autres livres, poèmes et romans, irritaient son imagination et ses sens. Il cessa de lire. Alors, ne sachant où se prendre, il se rappela la promesse qu'il avait faite à Rennemoulin. Il invita le directeur de l'Oriflamme à compulser les manuscrits de sa bibliothèque. Rennemoulin parut charmé. « Nous étions faits pour nous connaître, » disait-il à M. de Chanteprie. « Je ne me lasserai pas de vous solliciter, de vous importuner, jusqu'à ce que vous soyez enrôlés parmi nous. Ici, vous êtes une force perdue. Dans nos rangs, vous serez un précieux défenseur de l'Église. » Le curé de Hautfort me tenait le même langage, et je ne me suis pas laissé convaincre. « Ne vous y trompez pas, je suis un ignorant, un sauvage, un contemplatif, peut-être un lâche. Je n'entends rien à la politique. L'étiquette gouvernementale m'importe peu. Jean et Gaston de Chanteprie étaient bons royalistes. Adhémar de Chanteprie rêvait la fraternité universelle. Et Jacques de Chanteprie siégeait à la Constituante avec l'abbé Grégoire. Moi, je crains de lier la religion à la politique. Et je suis persuadé qu'il n'est pas de meilleur prosélytisme que l'exemple. Tâchons de vivre chrétiennement. Oui, dit en riant Rennemoulin. Mais on voit bien qu'en effet, vous n'entendez rien à la politique. Les socialistes s'emparent de l'âme du peuple. Imitons leur procédé, tout en combattant leur doctrine. Allons au peuple. Si nous ne dirigeons pas son éducation intellectuelle, le peuple s'instruira en dehors de nous et contre nous. Il faudrait des apôtres, et vous n'avez guère que des avocats. Et puis je n'aime pas l'esprit et le ton des journaux de propagande, tels que celui de M. le Tourneur. Si l'Évangile ne suffit pas à moraliser le peuple, qu'il ignore, pensez-vous que les croix seront plus efficaces? Je souhaite de tout mon cœur que le règne de Dieu arrive, mais je ne compte pas sur les assomptionnistes pour hâter son avènement. Eh, cher monsieur, les rédacteurs des croix n'ont pas le génie de Pascal, mais vous ne feriez pas lire les provinciales aux bonnes gens qui lisent les croix. Décidément, je suis une mauvaise recrue. Vous ne tirerez rien de moi. Nous verrons bien. Après le départ de Rennemoulin, M. de Chanteprie s'étonna de ce qu'il avait osé dire. Inconscient pharisien que je suis, si Rennemoulin soupçonne le secret de ma vie, il doit me considérer comme un imposteur. Hélas, quelle contradiction entre mon esprit tout imprégné de christianisme et mon cœur séduit par l'amour charnel. Il alla voir Rennemoulin la semaine suivante. Ensemble, ils visitèrent le cercle catholique ouvrier établi rue Cardinal Lemoine. Avant la réunion du soir, les jeunes gens prirent dans le restaurant de Tempérance un repas sain, économique et agréable, avec thé, café, bière et autres boissons anti-alcooliques. Puis, ils montèrent au premier étage où se trouvait la salle de travail, la salle de cours et le musée. Les ouvriers se réunissent ici pour lire et étudier, dit Rennemoulin. Mais vous pensez bien que nous ne mettons pas à leur disposition toute espèce d'ouvrage. Un de nos amis est chargé de distribuer les livres et les journaux, mission délicate qui exige beaucoup de tact et de circonspection. Quelques hommes éminents, laïcs ou religieux, assistent à toutes nos conférences. Ils sont les conseillers et les guides de nos camarades ouvriers, toujours prêts à donner un renseignement, un avis, une direction. M. de Chanteprie se reprochait déjà des injustes méfiances. Il regardait le crucifix accroché à la muraille parmi des gravures décentes et en face du crucifix, sur un petit socle, un buste de la République qui ouvrait tout blanc ses yeux de plâtre, sans prunelles, dilatés par un prodigieux étonnement. « Ah oui, le buste !» dit Rennemoulin, répondant à la question muette de son hôte. « Mais, cher ami, nous sommes républicains, comme le pape. Cette République que vous voyez, c'est notre République à nous. La République honnête, tolérante, et je puis l'affirmer, foncièrement catholique, sans fanatisme. » Il fit sa profession de foi, et M. de Chanteprie reconnut, sous une forme adoucie, élégante, les mêmes idées qu'énonçait la croix rambolitaine, dans un style aussi véhément qu'incorrect. Quoi ? La paisible salle peinte en verre, le musée orné de photographies et de moulages, le restaurant de tempérance, où l'on débitait, à bon marché, le repas, sain, économique, agréable, etc., n'était donc, en réalité, qu'une officine électorale. Le public arrivait. Des hommes mûrs, à figure de marguilliers, des prêtres, de bons jeunes gens frais et moulus de Stanislas, et les ouvriers, dit Augustin. Les voilà. Ils arrivaient, peu nombreux, proprement vêtus, de figures passives et placides. Un monsieur monta sur l'estrade et fit une conférence sur l'alcoolisme, ses causes, ses effets, ses remèdes. Il passa de l'hygiène physique à l'hygiène morale, et de l'hygiène morale à la religion. La religion le conduisit aux questions sociales. Il déplora que l'école sans Dieu préparât des générations d'ivrognes. Augustin était bien de cet avis. Mais le Christ, la République de plâtre, l'invitation du conférencier à nettoyer le conseil municipal, la présence d'un candidat qui s'offrait à faire ce nettoyage si les élections lui accordaient un mandat. Toutes ces choses, malgré tout, un peu disparates, gênaient l'admiration d'Augustin. Il ne suspectait pas la sincérité de ces gens, ni l'excellence de leurs intentions, mais ils étaient trop agressifs et trop prudents à la fois. Il leur manquait la simplicité, l'effusion, l'ardeur de la charité évangélique. Occupés des intérêts d'un parti, ils n'avaient pas la folie de la croix. Ils voulaient bien être catholiques, suivant la dernière formule, mais ils craignaient de passer pour cagots. M. de Chanteprie revint plusieurs fois rue du Cardinal Lemoine, et, bon gré mal gré, Rennemoulin le plaça dans le comité du cercle catholique. Puis, pour achever l'éducation du provincial, en lui montrant l'ilote ivre, il le mena chez l'ennemi, chez les dangereux socialistes. Augustin connut l'aube future, université populaire d'un lointain faubourg. Il y retrouva le restaurant de tempérance, avec thé, café, bière et boissons hygiéniques sans alcool, le musée du soir, la salle de travail, la salle de conférence peinte en verre, meublée de chaises, de bancs et d'une estrade. La République de plâtre ouvrait ses yeux blancs dans un coin. Un monsieur fit une conférence sur l'alcoolisme. Il passa de l'hygiène à la morale, de la morale à la religion, et de la religion à la politique. Le peuple, maintenu dans la servitude et l'ignorance par les réactionnaires et les cléricaux, demande à l'alcool l'oubli de ses misères. Le peuple, affranchi par la Révolution, partageant le bien-être matériel et les jouissances esthétiques accaparées par l'infâme bourgeoisie, le peuple abandonnerait les cabarets. Des maisons du peuple à la Bourse du Travail, M. de Chanteprie suivit docilement Rennemoulin. Il entendit d'innombrables conférences. Il assista à des manifestations populaires qui finissaient par le chant de l'International. Il ne put se défendre de quelque surprise. Le cercle de la rue du Cardinal Lemoine n'était donc que le pastiche en couleurs tendres de ces tableaux violents et inquiétants. Mais ces hommes n'étaient pas des chrétiens résignés à subir l'injustice en vue des récompenses éternelles. La pensée de l'éternité ne dominait pas leur vie. Ils cherchaient à réaliser le paradis humain par des moyens humains. Et si leurs chants s'élevaient comme un cantique, si leurs vœux, leurs espoirs, leurs appels prenaient parfois l'accent et presque la forme de la prière, c'est que le besoin religieux, survivant aux religions, se satisfaisait par un culte nouveau. De nouvelles idoles se dressaient, humanité, science, vérité, justice, qui avaient leurs prêtres et leurs martyrs. Ces gens rudes, crédules, ivres de mots, trop fiers de leur demi-science, n'étaient pas méprisables ni ridicules. Ils commençaient de réunir leurs forces éparses, et demain peut-être ils seraient la masse formidable, ruée sur le vieux monde. Rennemoulin connaissait le péril. Il parlait de réunir la bourgeoisie et le prolétariat sous le labarum catholique. M. de Chanteprie approuvait l'entreprise. Pourtant, il voyait avec peine la médiocrité des collaborateurs de Rennemoulin. Oui, c'étaient d'honnêtes gens, des gens de bonne volonté, mais il leur manquait le fond solide, le substratum de la doctrine. Où étaient les graves chrétiens du XVIIe siècle, les Lemestre, les Arnaud? Les amis de Rennemoulin voulaient concilier la religion et la science, et parce que le dogme les gênait, ils oubliaient carrément le dogme. Ils faisaient la part du feu. Le Christ qu'ils présentaient à la foule n'était pas le médiateur, l'hostie offerte à l'incompréhensible justice. C'était un Christ philosophe et sociologue qui s'accommodait fort bien du progrès. Augustin blâmait cette déformation, cette profanation de la figure divine. Figure immuable dont la tradition a fixé les linéaments mystérieux. Il blâmait les procédés de polémique, les procédés de défense et de combat. Et bientôt, il perdit son prestige d'homme de la vieille France. Il fut le fanatique gênant, le Don Quichotte, dont on redoute les chimères, l'ingérence tyrannique et le zèle maladroit. Après une discussion violente, il quitta le cercle pour n'y jamais revenir. Triste et là, dégoûté de tout et de lui-même, il remontait la rue Clovis. Saint-Étienne-du-Mont lui apparut comme un refuge. Il entra. La nef, avec ses colonnettes en faisceaux et son délicat jubé, était toute claire d'un beau jour hivernal, pâli par les verrières supérieures. Augustin chercha l'ombre des bas-côtés et s'agenouilla près du tombeau de Pascal. Devant lui, une jeune femme feignait de lire les épitaphes gravées sur des plaques de marbre noir. Sous le regard d'Augustin, elle minauda, cambrant sa taille en femme qui se croit admirée et désirée. Mais les yeux du jeune homme ne s'attardèrent pas sur la toque de violette et la chevelure blonde. Il se rappelait qu'un jour, avec M. Forgerus, il avait traduit et commenté le latin pompeux des inscriptions funéraires. Et le précepteur avait dit « Post aliquot annos in severioris ecessu, et divinae legis, meditatione transactos, feliciter et religiose in pace Christi vita functus. » Voyez, Augustin, on pourrait graver ces mots dans le cloître de Hautfort, sur le tombeau de famille des Chanteprie. Oui, c'était le vœu des ancêtres, et c'était naguère le vœu d'Augustin. Vivre dans la retraite rigoureuse, et la méditation de la loi divine, mourir heureusement et pieusement dans la paix du Christ. Mais une femme était venue, qui résumait en elle toutes les séductions et tous les dangers du siècle. Arrachant le dernier des Chanteprie à la solitude, elle l'avait entraîné parmi les hommes, dans un monde si corrompu que les catholiques même n'y avaient plus figure de chrétiens et défiguraient le Christ à leur image. La femme blonde, aux aguets, piétinait sur place et regardait Augustin. Il détourna la tête, et soudain, un resplendissement d'or et de flammes l'éblouit. Dans la chapelle voisine, comme au fond d'une caverne crépusculaire, la châsse de Sainte-Geneviève étincelait, derrière une grille, parmi le brasillement de cierges innombrables sans cesse renouvelés. Contre la grille, une foule s'entassait, noire, grouillante, chuchotante, béante d'adoration. Et devant la châsse, il y avait un comptoir pareil à un comptoir de magasin, un beau comptoir de chêne ciré, où une caissière recevait le prix des cierges et des aumônes, comptait la monnaie, surveillée par un gros vicaire en surplis blanc. Les cierges, de toute taille, à 10 sous, à 20 sous, à 100 sous, consumaient leur cire symbolique, si pressés sur les supports qu'ils se confondaient de loin en une pyramide de feu, un vaste bouquet d'âmes brûlantes, pâmé dans un halo d'or. Le tintement de la monnaie couvrait le murmure des prières. La chapelle de la patronne de Paris s'annonçait aux fidèles comme une boutique de changeurs. Les marchands du temple exerçaient leur industrie et la clientèle affluait. Augustin reconnaissait ses fichus noirs, ses bonnets de crêpe, ses châles d'étain, ses figures figées, fermées. Cette populace dévote, il l'avait vue dans tous les sanctuaires célèbres, à Notre-Dame des Victoires, au Sacré-Cœur. Le Dieu qu'elle adorait, ce n'était pas le Christ des cercles catholiques, le doux philosophe conteur de paraboles, ni le Christ torturé du Golgotha, ni le Christ justicier assis à la droite du Père. C'était le Christ fabriqué par Loiselier et compagnie, le nouvel Adonis pleuré des femmes, le beau jeune homme qui découvre un cœur sanglant sous les plis de sa robe d'azur. Et plus que ce Jésus efféminé, la foule idolâtrait la Vierge, la dame en blanc et bleu des grottes miraculeuses, reine de l'autel, prête à détrôner Dieu. Hélas, le salut de l'Église ne viendrait pas de cette pauvre foule moutonnière, ni des marchands de miracles, ni des catholiques rationalistes à la façon de Rennemoulin. Monsieur de Chanteprie revit la salle de la maison du peuple, les ouvriers assemblés. Quel apôtre, conducteur d'âmes, ardent comme Paul, doux comme François d'Assise, les ramènerait au Christ, ceux-là. Ils avaient besoin d'espoir et de foi. Et le christianisme des apôtres et des pères, de Pascal et de Bossuet, était représenté à leurs yeux par le vicaire qui discute le prix d'un convoi ou d'une messe, par les jésuites, le Sacré-Cœur et les bondieuseries de la rue Saint-Sulpice. Ah, songeait Augustin, si j'étais digne. Un mouvement dans la foule attira son attention. Il aperçut un jeune homme de son âge, bien vêtu, l'air un peu gêné, qui se faufilait tant bien que mal entre les rangs des dévotes. La femme blonde alla vers lui, ils descendirent la nef latérale, causant tout bas. « Des amants, ici !» Mince, la gorge ronde, les hanches fuyantes, elle avait la taille et la démarche de Madame Manolé. Augustin ne pouvait plus rêver ni prier. Le désir avait soufflé sur sa conscience. La dernière lampe intérieure s'éteignait. Fin de la section 19.